Bonjour, bienvenue dans ce 8e numéro de Podcast Science avec Mathieu comme toujours. Salut Mathieu. Salut professeur Fun. Tu vas bien? Écoute, ça va bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Content Voilà, c'est... de ce nouveau podcast, vu qu'on a un invité, je te laisse le présenter. Mais absolument, on a la chance de faire ce podcast à trois cette semaine. Notre invité, c'est Antoine. Antoine, dont on a déjà eu l'occasion de parler, qui fait le podcast vidéo C'est pas faux, podcast scientifique lui aussi. Salut Antoine, t'es avec nous? Salut, salut, ça va bien? Mais ça va super bien, on est très content de t'avoir. Bienvenue. Ben, merci, hein? Merci. Salut Anne. Tu te trouves Salut à combien de Mathieu. kilomètres de Genève? Alors, moi, je suis à Montpellier, dans le sud de la France. Donc, on va se dire 700 kilomètres, je D'accord. pense. Ah ouais, donc c'est pas tout près, quoi. Ah ouais, ben, c'est des joies de l'Internet, hein? Ouais, Hein? des miracles. Ouais, les miracles, ouais. Ouais, quand ça marche. On a eu moins de chance la semaine dernière. Cette fois, on croise les doigts. On espère que tout va bien se passer. Antoine, tu peux nous dire deux mots sur toi? Donc, on sait que tu es à Montpellier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'as quel âge? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la science? Tout ça, quoi. Ah ben c'est très simple. Alors j'ai 23 ans, je suis à la fac de sciences de Montpellier et la science est toute ma vie, comme ça. Et voilà, et j'aime bien surtout le côté pratique et la vulgarisation. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé mon podcast. C'était vraiment pour enseigner aux gens, tout un chacun, que la science, ça peut être vraiment super. Ouais, ce que tu fais avec un talent qu'on te reconnaît totalement, Voilà. on était fait pour se rencontrer, fait pour s'entendre. Où est-ce qu'on peut te voir sur Internet? Alors, c'est sur cepafo.tv. C'est pas faux, tout attaché. .tv, voilà. Ok, excellent. D'accord, un On podcast note ce vidéo, hein. nom-là. Oui, un podcast vidéo, ouais. Je suis un peu votre collègue, mais du côté vidéo. D'accord. Là, c'est parfait. Ok, ben on va démarrer ce podcast. Enchanté de le faire à trois. On va commencer cette semaine par quelques petits remerciements, comme c'est en principe notre habitude. On l'a un peu skippé la semaine dernière parce qu'on était stressé avec nos ennuis techniques. Mais merci à tout plein de monde, à Oasisman 2 et à PoupouP69 qui nous ont laissé des super comments sur la page iTunes France, en plus du super comment d'Antoine. Merci Antoine. Xavier Agnès, qui a toujours un petit mot sympa pour nous sur Twitter, Thomas Fouchard et ses commentaires sur Facebook, et puis avec un peu de retard aussi, merci à Cristovao Mendes Ribeiro, qui nous a également laissé des messages sympas sur Facebook. Le truc, c'est que les messages sur Facebook, on n'est pas notifié en fait, on les reçoit pas tout de suite, donc on pense à les regarder une fois de 7 en 14. Merci à Alain Minaret, alias Ateraki, qui nous a aussi laissé des super commentaires, qui sont vraiment encourageants. Christine, qui nous écoute en faisant son repassage. Salut Christine. Psychophénix, qui nous écoute depuis le numéro 5. Je crois que c'est toi qui nous l'as envoyé, Antoine. Hein? Ah oui, alors il a été totalement sous le charme. Là, il s'est Ah ouais? enchaîné. En tout cas, il nous a Et laissé un surtout, super ouais. message d'encouragement en commentaire sur le blog. C'est un ami à Et... toi, Anne, ou bien? Ouais, c'est un ami à moi, donc que j'ai jamais rencontré, mais que je revois sur Internet. Et il a été vraiment fan de ton dossier sur la théorie des cordes. Hein. Ah Vraiment, ouais. ah oui, Ah vraiment mais fan. c'est pas le seul, la planète entière s'emballe pour ce dossier sur la théorie des cordes. T'as les félicitations de Noleya aussi, une nouvelle adepte de la 11e dimension. On va peut-être Et parler de puis dimension aussi aujourd'hui, vous verrez quoi, mais dans un autre sujet. Mais bon, on verra ça plus Ok, tard. on se réjouit. Et puis encore un dernier petit clin d'œil, un petit coucou, un petit merci à nos amis de Niptech qui nous mentionnent environ une fois par semaine et à qui on oublie de rendre l'appareil. Un merci tout particulier à Benoît pour son commentaire très touchant dans le dernier Niptech où il indiquait que C'est pas faux et Podcast Science justement lui ont permis de renouer avec la science. Et puis il nous a proposé quelques sujets d'ailleurs en commentaire du podcast numéro 7, le contrôle d'objets par la seule force mentale et puis la prédiction par des machines. Alors on va traiter ces sujets, ils sont un peu costauds, on n'a pas pu les traiter directement cette semaine, mais on les traitera, Benoît, c'est promis. Alors pour les sujets de cette semaine, ben, Mathieu, c'est toi qui commences avec une nouvelle un peu triste. Un peu triste, oui, parce qu'il y a quelques jours, un grand mathématicien nous a quittés. Donc, c'était Benoît Mandelbrot. Et qui était Benoît Mandelbrot? C'est le père des fractales. Alors, je pense qu'on a tous entendu une fois ou l'autre ce mot-là de fractal, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde de comprendre ce que c'est. Alors, je vais commencer juste par faire une petite bio de Benoît Mandelbrot. Donc c'est un mathématicien franco-américain qui est né à Varsovie en Pologne le 20 novembre 1924. Il a émigré à Paris en 1936. Il a fui avec sa famille la menace du nazisme. Et après la guerre, il a émigré aux États-Unis. Là-bas, il a travaillé entre autres pour IBM et l'université d'Yale. Et il est décédé le 14 octobre dernier à Cambridge, dans le Massachusetts. Donc, pourquoi il était si important, ce mathématicien? Parce qu'à ses débuts, il travaillait chez IBM, dans un département de recherche. Et là-bas, il étudiait la répartition des parasites ou des perturbations qui gênent les échanges de communication au sein d'un réseau d'ordinateurs. D'accord? Et il a constaté, en analysant ces perturbations, que ces parasites se répartissent en rafales séparées par des périodes d'accalmie. Mais que les rafales elles-mêmes de parasites sont constituées de bouffées plus courtes séparées par des intervalles plus calmes. Et que ces bouffées plus courtes peuvent à leur tour être décomposées en bouffées encore plus courtes. Donc je ne sais pas si vous me suivez, mais on retrouve toujours le même schéma en fait. Toujours le même pattern. Toujours le même pattern. Ouais. Ça dépend de l'échelle, en fait, c'est ça? Ça dépend de l'échelle, justement, on va en parler. Donc, il réalise que si on représente graphiquement l'apparition de ces signaux inopportuns, de ces parasites, on obtient les mêmes formes, quelle que soit la durée que l'on considère. En l'occurrence, là, l'échelle, c'est la durée. Donc, quelle que soit la durée qu'on considère, la seconde, la minute, l'heure ou la journée. En gros, on retrouve exactement la même distribution, quelle que soit l'échelle du temps, servant à observer le phénomène. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une distribution fractale. Ou plus précisément même une fractale aléatoire. Aléatoire parce que l'apparition des parasites est complètement aléatoire. Donc autrement dit, les parasites se répartissent au hasard, mais ce hasard, il n'est pas informe, il a une structure. Il a une structure de fractale. D'accord ? Donc c'est cette découverte, avec ces parasites et cette distribution de parasites, qui l'a amené à mettre en place un nouveau type de géométrie qu'on appelle géométrie fractale. Ça, il a commencé à la mettre en place dans les années 60, et en 74... Il a proposé une nouvelle classe d'objets mathématiques qu'on appelle objet fractal ou figure fractale ou encore fractal, tout simplement. Donc si on reprend étymologiquement d'où vient fractal, ça vient du latin fractus, qui signifie irrégulier ou brisé. Donc le terme irrégulier est important, on va le voir, parce que en 1967, il a publié un article qui est resté très célèbre qui s'appelle « Combien mesure la côte de la Bretagne ?» Parce que, en fait, on se rend compte que la mesure de la longueur d'une côte, donc le long d'une mer, ne donnera pas le même résultat selon l'échelle de la carte qu'on utilise. Parce que si on fait la mesure en tenant compte des golfs, des petites criques, des contours du paysage, de tous les cailloux, de toutes les infractuosités qu'on peut trouver, on peut dénombrer des milliers de kilomètres entre deux villes proches. Et beaucoup plus encore si on fait encore le tour de tous les grains de sable qu'on peut trouver sur les plages, le bord de ce contour. Et donc on voit que la longueur dépend donc de l'échelle à laquelle on la mesure. D'accord ? Est-ce que vous me suivez ? Vous êtes toujours là ? C'est-à-dire que si on mesure les traits tels qu'ils apparaissent sur une carte, on arrive à une certaine dimension. Par contre, si on zoome dans le détail. Il y a toutes les petits trucs, la rugosité de la côte qui n'est pas prise en compte sur les cartes. Mais si on zoome avec un énorme microscope et on commence à prendre en compte toutes ces irrégularités, on voit que la longueur est beaucoup plus longue de ce qu'elle ne semble être. D'accord ? Ouais, et puis j'imagine qu'il y a plusieurs niveaux de détails à ce zoom. Alors justement, il y a plusieurs niveaux de détails. Donc en fait, on voit qu'avec cet exemple de la côte de la Bretagne, ou d'une côte le long d'une mer, on voit apparaître une nouvelle dimension mathématique. C'est là où je reviens avec les dimensions des théories des cordes. Non mais rien à voir, là en l'occurrence. Mais on tombe sur une nouvelle dimension mathématique, une sorte de dimension fractionnaire. On l'appelle aussi cette dimension la dimension de Hausdorff. Alors on sait qu'une ligne ou une droite, elle a une dimension. Un plan, ça a deux dimensions. Mais Mandelbrot, il explique dans son article que la côte bretonne possède, d'une certaine manière, une dimension de 1, quelque chose. Et cette partie fractionnaire décrirait la rugosité de la courbe. Donc, pour une courbe calme, on aurait une valeur de 1,1. Et 1,9 pour une courbe qui tourne et retourne dans tous les sens, qui occuperait une grande partie de la surface d'une feuille sur laquelle on la dessinerait. On voit donc qu'il y a des dimensions fractionnaires pour des courbes à une dimension, mais on peut aussi trouver des dimensions fractionnaires pour des surfaces à deux dimensions. Parce que de même, les vélocités de la paroi intestinale font que la surface tend à occuper un certain volume. La dimension de la paroi interne du tube digestif est supérieure à 2, mais elle est inférieure à 3. Donc on voit qu'autant pour les courbes à une dimension que les surfaces à deux dimensions, il y a des dimensions fractionnaires qui apparaissent. Et un exemple assez classique des fractales, c'est la courbe de Von Kohr, ou on l'appelle aussi flocon de neige de Von Kohr. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ah ouais. Ouais. Alors, bon, on va essayer de faire un petit effort d'imagination. On va prendre un triangle équilatéral, d'accord ? Donc, un triangle équilatéral, c'est un triangle dont tous les côtés ont la même longueur, les trois côtés ont la même longueur. On va appliquer à ce triangle équilatéral une transformation simple. On remplace le tiers central de chaque côté par deux segments ayant la même longueur que celle qui a été prélevée. Donc, je répète, on prend chaque côté du triangle, on divise chaque côté en trois parties, on enlève la partie du milieu de chaque côté, le segment du milieu, et on joint deux segments de la même longueur qui se rejoignent vers l'extérieur par leur extrémité. Donc ça donne une sorte d'étoile de David. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer. D'accord. En fait, moi, j'ai une recommandation pour les auditeurs, c'est de taper fractal dans Wikipédia, de dérouler un petit peu, puis on voit en fait cette animation, ce qui est vraiment très parlant en fait. C'est difficile à décrire, mais quand on l'a sous les yeux, c'est totalement évident. On la mettra sur le site aussi. Ouais, on la mettra aussi sur le site. Ouais. Et donc, on voit qu'on arrive à transformer un triangle en une sorte d'étoile de David. Et si on recommence la même opération sur chaque côté de la figure obtenue, donc aussi sur les nouveaux côtés qu'on vient d'ajouter, et ceci de manière infinie, on voit que à la première itération, on obtient une image proche d'une étoile de David, et au fur et à mesure des itérations successives, le résultat ressemble de plus en plus à un flocon de neige. Mm-hmm. Et en fait, ce type de courbe présente une particularité bien curieuse, parce que on voit que la longueur d'une courbe de Von Kohr tend vers l'infini, pour un nombre d'itération infinie, parce qu'on rajoute toujours des segments. Donc si on rajoute d'une manière infinie des segments, la longueur va tendre vers l'infini. Mais pourtant, cette courbe ne déborde à aucun moment des limites constituées à l'extérieur par le cercle circonscrit au triangle initial et à l'intérieur par le cercle inscrit dans ce triangle. Donc le cercle inscrit au triangle reste à l'intérieur de cette courbe. Donc en d'autres termes, une surface de dimension finie est limitée par une frontière de longueur infinie. C'est incroyable ça, parce que évidemment la courbe extérieure au triangle va toujours devenir toujours plus longue avec les éléments qu'on rajoute, avec les segments qu'on rajoute, mais la dimension à l'intérieur est finie. Donc pour la géométrie fractale, avec n'importe quel grossissement ou zoom, lorsqu'on examine la courbe, on observera les mêmes détails. Et Benoît Mandelbrot donne un formalisme mathématique à ces courbes géométriques qui se compliquent à l'infini quand on engrossit un tronçon. D'ailleurs, il est matériellement impossible de dessiner exactement une fractale puisqu'il faudrait poursuivre les itérations à l'infini. En pratique, on s'arrête quand les plus petits détails sont inférieurs à la résolution de l'écran. Donc, de façon imagée, les fractales se caractérisent par une sorte de dimension non entière qui correspondrait à la rugosité. On voit des détails similaires à des échelles arbitrairement petites ou grandes. Et les courbes, finalement, sont trop irrégulières pour être décrites efficacement en termes géométriques traditionnels. Donc une fractale est exactement, ou même statistiquement, on va le voir, autosimilaire. C'est-à-dire que le tout est semblable à une de ses parties. Il y a une fameuse fractale qui porte le nom de Benoît Mandelbrot, qu'on appelle l'ensemble de Mandelbrot. Elle est assez connue, c'est une des fractales à la mode aussi. Et on voit aussi que, en fait, la géométrie fractale décrit aussi des phénomènes de nature probabiliste, voire même chaotique. Elle apparaît partout où les petites causes produisent des grands effets, donc là où règne le chaos. On retrouve ça dans les systèmes financiers. Mandelbrot, il a beaucoup étudié les systèmes financiers et il explique que le système financier mondial fonctionne selon un mode chaotique. Et il montre que les fluctuations à long terme des marchés ont exactement la même allure que les fluctuations à court terme. Donc on retrouve cette invariance d'échelle. On retrouve aussi la géométrie fractale dans la théorie des jeux, dans la distribution des galaxies dans l'espace. Il semblerait que les nuages gazeux interstellaires aient une répartition fractale aléatoire. On retrouve aussi ça dans la circulation atmosphérique sur la planète. Le fameux effet papillon, qu'un petit battement d'aile d'un papillon à l'autre bout de la planète puisse, d'une certaine manière, influencer à son échelle le temps qui fait chez nous. Donc, la géométrie fractale s'exprime aussi beaucoup dans la structure de la nature et dans le monde réel. Les objets naturels, il y en a beaucoup qui ont en commun d'être de forme extrêmement irrégulière ou interrompue. On a vu la forme des lignes d'une côte le long de la mer. On a aussi ça dans le relief terrestre. La surface d'une montagne peut aussi être modélisée sur un ordinateur en utilisant une fractale. Le régime des crues de certains fleuves aussi. Lui, Mandelbrot, il a particulièrement étudié la répartition des crues du Nil au fil des années. La répartition surtout des crues de faible ou de forte importance. Et cette répartition suivrait une loi fractale. On retrouve donc la forme du flocon de neige, comme on l'a vu avec les courbes de Von Kor, dans le système digestif, aussi dans la structure des poumons, donc la ramification des bronches dans les poumons. Ensuite, chaque bronchiole se terminant par une alvéole pulmonaire, et dont le nombre total est de 200 à 300 millions, ça représente aussi une fractale. Le système circulatoire a une structure fractale dans la ramification des vaisseaux dans le corps. On voit aussi ça dans les branches et les rameaux des plantes soumises aux givres qui présentent des cristaux ayant une structure fractale. On voit ça dans les brocolis, dans les choux-fleurs, les fougères. La répartition des structures des feuilles et des branches est de nature fractale. On retrouve aussi en informatique, dans les logiciels de dessin. Bref, les fractales ont beaucoup de succès. Et pourquoi elles ont beaucoup de succès? C'est que le concept lui-même, il est assez fascinant parce qu'il conduit à une certaine forme d'infini. Et il propose d'une certaine manière une structure géométrique de la nature. Et grâce au fractal, on est aussi capable de produire des images d'une grande beauté en utilisant des mathématiques. On mettra d'ailleurs une ou deux images sur le site. Donc, bah voilà en gros ce que je voulais dire sur les fractales. La petite histoire des fractales. Ouais, bah c'est chouette d'avoir choisi ce sujet. Bon, moi, pendant que je t'écoutais, je faisais joujou avec une application iPhone que j'ai téléchargée il y a longtemps, de Fractal de Mandelbrot, justement. C'est génial parce que tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes, et puis tu arrives toujours à. Enfin, ouais, c'est fractal, quoi. Tu peux zoomer à l'infini, et puis tu retombes toujours sur sur les le mêmes pattern du patterns. départ. Ouais, les mêmes patterns. Exactement, non, c'est absolument fascinant. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur les fractales. Je me rappelle, j'étais en troisième et on avait un super prof de mathématiques. Et il nous avait mis au défi de nous imaginer face à un mur, par exemple, donc à 2 mètres. Il nous avait dit que si on avançait à chaque fois de la moitié de la distance qui nous séparait du mur, logiquement, on n'y arrive jamais. Et ça m'avait vraiment retourné l'esprit. Non, mais ça, c'est le paradoxe de. Maintenant, je me rappelle plus De Zénon, de non? Zénon. Voilà, le paradoxe de C'est Zénon. pas un fractal? Non, mais il y a une erreur mathématique là-dedans. On en discutera un jour dans Podcast Science. Parce qu'en fait, une suite infinie peut être finie. Ça sent le sujet pour Mathieu, ça. Ok, d'accord. C'est ma faute alors. Ok. Mais ça pourra faire l'objet d'un autre sujet. Mais non, Ah le fait de ben. dire que si on avance toujours la moitié de ce qu'on avançait le jour d'avant, on n'arrivera jamais au bout. En fait, il y a une erreur mathématique dans ce raisonnement et on pourra en parler ouais, une autre fois. D'accord. Ben, intuitivement, ça me rappelait un peu ce que Intuitivement, ah tu. ouais, intuitivement, c'est clair. On croit qu'on va Ce jamais que tu. trouver, quoi. Ouais, Mais c'est vrai qu'il y a un rapport quand même. ouais, ça me rappelait un peu comment tu faisais ton flocon, hein. Mais Exactement, tu prends toujours la moitié de la moitié en fait oui. pour faire ton flocon. Il y a un rapport. Hein. Mais écoute, ouais, c'est chouette que tu aies choisi ce sujet. Moi, il y a un truc qui m'épate avec Mandelbrot. Si j'avais pas été aussi à la bourre, d'ailleurs, j'aurais préparé un petit sujet cette semaine sur le sujet. Pardon, sur les biais cognitifs, justement. Puis il y en a un des plus célèbres, c'est le biais de confirmation d'hypothèse, qui fait que quand on a quelque chose sous les yeux, on n'arrive plus à imaginer comment serait le monde sans cette chose qu'on a sous les yeux. Et on n'arrive plus à aller creuser et puis chercher les absences derrière cette chose qu'on a. Puis Mandelbrot, ça me fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire que pendant 2300 ans, on a eu une forme de géométrie personne n'a jamais pensé à la challenger parce que voilà, on l'avait sous les yeux, puis ça marchait très bien, puis ça nous permettait plus ou moins d'expliquer le monde et de le représenter. Puis tout à coup, il y a ce type qui arrive à voir au-delà, au-delà de ça. Enfin, pour moi, c'est un authentique génie, quoi. Il a réussi à réinventer la géométrie. Ouais, c'est comme disent les anglo-saxons, to think out of the box. Alors, donc, complètement. Il a réussi vraiment à s'abstraire de tout ce qu'on lui avait enseigné mathématiquement et penser à une nouvelle approche. Ouais, non, c'est vraiment, vraiment excellent. Et puis quand on y pense, enfin, on disait dans je ne sais plus quel numéro que la science est partout. Mais c'est vrai que les fractales, une fois qu'on connaît le truc, on les voit partout, quoi. Ouais, on les trouve dans la nature en plus, vraiment dans des phénomènes naturels, c'est impressionnant. Ouais, ben on les trouve jusque là où on les attendrait le moins. C'est une transition pour laquelle je vous demande des félicitations. Hein. C'est très fort. Parce que Antoine, le sujet dont tu vas nous parler n'a a priori rien à voir avec les fractales et pourtant... Si. Et pourtant un petit peu, ouais. Alors moi, pour mon baptême du feu chez Podcast Science, j'ai décidé de plonger alors au cœur des océans. Alors, au cœur des océans, Jacques Cousteau, donc un océanologue français que tout le monde connaît, a un jour qualifié les fonds marins de monde du silence. Monde du silence. Même si c'est une image qui marque, elle est totalement fausse. Mm-hmm. On peut entendre une multitude de sons dans l'océan et je vous propose d'en savoir un peu plus sur le plus fascinant d'entre eux, le chant de la baleine. Donc, pour commencer, voici un petit extrait. Waouh! Ouais, c'est presque émouvant. Voilà. Donc, vous venez d'entendre un magnifique chant de baleine, et plus précisément de baleine à bosse, spécialiste dans ce domaine. Alors, pour vous situer un peu cet extrait, il a été pris dans l'archipel d'Hawaï. En hiver, les baleines y viennent pour chercher des eaux clémentes et pour mettre au monde leur progéniture pendant que les mâles y chantent. Il suffit alors, avec un peu de chance, d'aller sur une plage et de plonger la tête sous l'eau pour entendre ce chant. C'est magique, non? On entend avec la tête sous l'eau le chant de la baleine. Voilà, voilà. Si vous avez un peu de chance, besoin d'appareil, c'est pas des fréquences qu'on n'arrive pas... Ah non, j'y viens, mais ce sont des fréquences totalement audibles, de 20 Hz à 10 kHz, qui sont parfaitement dans le spectre sonore audible de l'être humain, quoi. Donc, il suffit juste de plonger la tête et des fois, vous les entendez. Donc quel archipel, tu as dit? Hawaï, d'accord. Donc, choisir ma prochaine destination de vacances. ouais, c'est vraiment magique. Et ce chant, il reste d'ailleurs très mystérieux. On n'en connaît toujours pas le but. C'est séduction, goût pour la musique, lien social. Ça reste encore une énigme pour tous les scientifiques. En revanche, on en connaît parfaitement la structure sonore, qui est très particulière. Alors, elle est qualifiée par le biologiste marin Philippe Clapane de son le plus complexe du règne animal. Rien que ça. Donc, c'est le chant de la baleine à bosse. Il s'organise comme des poupées russes. Vous voyez ? On a donc le chant global qui peut durer jusqu'à 36 heures d'affilée. Et chose incroyable, son volume est plus fort que le son d'un avion au décollage. Donc là, on parle du chant d'une seule baleine ? Ouais, une seule baleine, ouais. Une seule baleine, ça peut générer un son plus grand que celui d'un avion au décollage. Enfin, en même temps, il faut s'imaginer la bête aussi, hein. Ça fait plus de 15 mètres de long, donc voilà quoi. Mais si on décortique ce chant, on peut voir qu'il est constitué de plusieurs thèmes qui se répètent. Et ces thèmes sont à leur tour constitués de phrases musicales qui sont elles-mêmes des successions de notes, qui est l'unité sonore de base, les notes. Alors on voit donc là bien une imbrication comme des poupées russes. Mais ce chant est parfaitement audible pour l'être humain, comme vous avez pu le voir en début de chronique, enfin plutôt l'entendre en début de chronique. Donc c'est ce qui fait dire aux scientifiques qu'il servirait plus à la communication entre individus d'un même groupe plutôt qu'à la localisation dans l'espace. Vous savez, comme les sonars des dauphins. Mmh. Donc, en parlant de groupe d'ailleurs, il y a une autre chose fascinante sur le chant des baleines, c'est que les chants de baleines vivant dans des zones géographiquement très proches sont vraiment similaires et évoluent comme une langue, vous voyez ? Vraiment comme une langue. Et de plus, au cours de sa vie, le chant d'une baleine va changer au contact de ses congénères. Et c'est là qu'on peut parler quasiment de culture vocale, vous voyez ? Ouais, c'est comme des accents, en fait. Voilà, c'est des accents. Et le baleineau, quand il atteint sa maturité sexuelle, il a un chant et qu'il éprouve au fil du temps avec ses congénères. Et en fait, il s'adapte. Et jamais, jamais il ne refait le même chant. C'est-à-dire que quand le chant a évolué, il reviendra pas à des patterns, à des formes qu'il avait avant. Donc voilà. D'accord. Et donc là, maintenant, je vais finir donc cette petite chronique sur le chant des baleines par un autre extrait sonore qui est très bref. Alors, ce son a été capté en 97 à 5 000 km de son point d'origine estimé. 5 000 km. Hein. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Un son sous-marin. Ouais. Ouais, mais Oh, alors ça moi peut venir. je donne ma langue à la Alors, baleine. ben, tous les scientifiques, enfin, aucun scientifique ne sait non plus, donc vous risquez pas de trouver. Mais il y a C'est des le tas de monstre du théories. Loch Ness. Franchement, il y a une théorie comme ça qui s'en approche et que j'aime beaucoup. C'est que la théorie qui est la plus intéressante pour moi, c'est que ce son proviendrait d'un gigantesque animal marin encore inconnu. Oui. Ah, ce serait drôle si c'était ça. Ouais. D'ailleurs, quelque chose qui est assez troublant, je ne lis pas les romans de Lovecraft. Je ne sais pas si vous connaissez H.P. Lovecraft. Bon, un peu. Ce J'ai sont des jamais rien romans. lu, mais j'en ai un petit peu entendu Ce sont parler. des romans de. En fait, il situe un monstre sous-marin. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne dis pas le nom, mais c'est un monstre sous-marin. Il le situe alors à quelques kilomètres près de l'endroit où on a capté ce son, en fait. Vous voyez? Donc, Ah, là. Donc, le mystère est ouvert, non? bah, le mystère est vraiment ouvert. Donc, vérité ou non, là, l'océan n'est décidément pas un monde silencieux. Effectivement, c'est le moins qu'on Voilà. puisse dire. Bah, Donc, excellent, ouais, excellent sujet. excellent, ouais, surprenant. Ce serait pas le bruit d'un moteur d'un bateau qu'ils auraient enregistré Ah quelque non, part, non? non, non, vu la puissance du son, c'est À impossible, parce 5, que à 5 000 km, ouais, ça km paraît un capté peu à 5 000 km. difficile. Là, le son que vous avez entendu, il a été amplifié, il n'a pas été amplifié, mais il a été accéléré. D'accord. Donc, voilà. Ouais, sacrée Ok. baleine, hein. Elles ont Ouais. encore beaucoup de secrets à nous montrer, hein. C'est sûr. Ouais, et puis ouais, je pense que nos cantatrices peuvent aller se rhabiller. Oui, pour rivaliser avec un avion au décollage, Il y a encore du boulot. il y a du boulot. Bah, excellent, merci beaucoup. On arrive gentiment au terme de cette émission. Mathieu, est-ce que tu nous as préparé une côte? Oui, bien sûr, comme toujours. Alors, bah, la côte d'aujourd'hui, elle est bah, justement, elle aussi un peu liée aux mathématiques, étant donné que j'ai parlé de Mandelbrot. Elle dit la chose suivante. Les plus grandes limitations de l'être humain se doivent à son incapacité de comprendre la fonction exponentielle. Ok. C'est pas tout faux, non? Y a qui est Ouais, capable ça. de m'expliquer la fonction exponentielle? Bon, Anne, je pense, si tu étudies Ouais, à la mais fac, tu peux pouvoir nous expliquer ça en deux mots, non? non, mais j'avoue que j'ai vraiment du mal, hein, avec cette Non, mais fonction-là. on a de la peine à cela. Oui, parce que Se la elle... visualiser, conceptualiser, Bah, c'est bref, complètement contre-intuitif. c'est Hein. Oui. contre-intuitif, quoi. Mais c'est une fonction qui a été vraiment faite pour les musiciens, j'allais dire, pour les physiciens. Donc c'est vraiment un outil mathématique adapté aux physiciens et tout. Et donc c'est vraiment eux qui utilisent ça, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'est un physicien qui a dit ça, hein. Albert Bartlett. Je sais pas très bien qui Ah, c'est, mais. donc voilà. Donc voilà, une des grandes limitations qu'on a, c'est de ne pas comprendre cette fonction exponentielle. Si on la comprenait un peu mieux, on pourrait inventer des choses encore plus merveilleuses qu'on invente maintenant. C'est C'est sûr. Bon, c'est son point de vue. Moi, je pense qu'on a d'autres limitations qui nous empêchent, nous empêchent de comprendre le monde et de toujours prendre les bonnes décisions. Mais enfin, ouais, c'est une approche. C'est vrai que c'est une de nos limitations, c'est clair. Bah, super intéressant. Voilà, on a de quoi méditer pour une semaine. Antoine, je crois que tu voulais encore nous dire quelque chose. T'as un petit plug culturel? Ah oui, en fait, ça tombe bien parce qu'on est sur Podcast Science. Je voulais juste annoncer que là, en France, se tient aujourd'hui, donc jusqu'à dimanche soir, la fête de la science. Donc ça se passe dans toutes les grandes universités de France. Et ce sont des animations qui ont été faites. Et je vais faire un petit reportage dans celle de Montpellier d'ailleurs. Donc vous pouvez retrouver sur cestpasfou.tv. Et donc je vous invite vraiment à aller à ces manifestations qui permettent bah, de faire un peu comme ce qu'on fait là, vulgariser un peu la science, et c'est vraiment super génial. Voilà. Ah, chouette. Ah, super. J'essayais de regarder en même temps sur Google si on a l'équivalent dans les universités suisses, mais non. Et bon, Ah, bah, la c'est bien France, c'est pas dommage. loin. La France, c'est pas loin. Il y a des tas de trucs qui se passent en Haute-Savoie. Ah, ouais. Ouais. Pour les auditeurs suisses, ça peut Même être intéressant. à Lyon, c'est pas très loin, Lyon. Lyon, c'est pas bien loin non plus, c'est vrai. C'est sûr. Donc, voilà. Excellent. Top. Donc, c'est de quand à quand, t'as dit? Donc, c'est donc de vendredi jusqu'à dimanche soir. D'accord. Donc du Voilà. vendredi 22 au dimanche, qu'est-ce que Dimanche ça nous fait? 24. 24, voilà. C'est un long week-end de folie niveau science. Et Parfait. ça fait plaisir. Excellent. Ok. Parfait. Là, je crois qu'on est arrivé au terme de l'émission. Antoine, ça nous a vraiment fait plaisir de t'avoir. C'était très chouette. Tu reviens Ah quand oui, tu veux. je me suis bien éclaté, ouais. Ben ouais, Antoine, Et... écoute, merci bien, tu reviens quand tu veux. Nous, on est là chaque semaine, en tout cas. D'accord, ok, ben le rendez-vous est pris, hein, bien. D'accord, c'est Ok. parfait. Ben alors, à toutes nos auditrices et auditeurs, une excellente semaine. À tout bientôt. Allez, ciao, ciao. Ciao.